En Corée, les fresques en mosaïque du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il viennent d'être érigées dans diverses unités d'activité. Concrètement, la fresque mosaïquée figurant les grands hommes sans pareil formant des souhaits pour un avenir radieux à la Corée Songun sur le sommet du mont Paektu, mont sacré de la révolution, sont mises sur pied au complexe de construction des ouvrages hydrauliques de Gangdong, alors que celles représentant les grands leaders en sourire, répondant aux acclamations enthousiastes des militaires et civils, sont érigées au quartier de Singan de l'arrondissement de Hyongjae-san de la ville de Pyongyang, à l'atelier synthétique de tissage de l'usine textile Novembre et à la ferme coopérative de Songjong de l'arrondissement de Liwon de la province du Hamgyong du Sud. En outre, on a construit également à l'arrondissement de Taedonggang de la ville de Pyongyang une fresque en mosaïque figurant les grands leaders souriants parmi les enfants. La faculté de médecine de Pyongyang de l'université Kim Il-sung a mis sur pied la fresque mosaïquée. Le grand dirigeant Kim Jong-il en visite à la faculté de médecine de Pyongyang de l'université Kim Il-sung. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu.